bien bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Alors au programme aujourd'hui, vous retrouverez nos rubriques habituelles avec des films tels que Barry Lyndon, L'Armée des Ombres, Le Troisième Homme et d'autres surprises avec des morceaux qui pourront parfois vous surprendre. Eh bien, parfait, Francine, on se retrouve donc dans quelques instants pour cette belle programmation. Alors, commençons tout de suite par notre traditionnelle première séquence, la séquence B occulte avec Barry Lyndon, un film de Stanley Kubrick sorti en 1975, avec dans les rôles principaux Ryan O'Neill et Marisa Berenson. Le film donc évoque le destin d'un jeune intrigant irlandais sans le sou dans la fastueuse société anglaise du XVIIIe siècle. Alors, ce jeune homme va connaître une ascension sociale pleine d'audace et de perversité après avoir épousé une lady qui lui apportera une fortune considérable et qui lui donnera un fils. Cependant, l'histoire finira mal puisqu'il va donc sombrer dans la déchéance. Alors, le film est d'une très grande beauté visuelle. Barry Lyndon fait grand usage de la lumière naturelle et des décors d'époque. Le film a été nommé 7 fois aux Oscars du cinéma et remportera 4 récompenses. Il est cependant un échec commercial dans les pays anglo-saxons malgré donc de très bonnes critiques. Mais Jérôme, il me semble que ce tournage n'a quand même pas été simple pour Kubrick. Oui, tout à fait Francine, car cela s'est passé en plein conflit irlandais et l'IRA a mis Kubrick sur une liste des personnalités à abattre, reprochant au réalisateur justement d'avoir mis en scène des soldats anglais sur le sol irlandais. Alors, contrairement à ses films précédents, Kubrick choisit des musiques d'époque et non une partition originale. La bande originale a été donc récompensée de l'Oscar de la meilleure musique de film en 1976 et elle mêle folklore irlandais et musique classique. Alors, je vous propose donc tout de suite d'écouter donc un extrait de la BO. Le morceau s'intitule « Sarabande ». Thank you. projecteur maintenant sur L'Armée des Ombres, un film de Jean-Pierre Melville sorti en 1969 avec une belle distribution puisqu'on y retrouve Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurice et Jean-Pierre Cassel. Alors l'histoire se passe en 1942. Arrêté pour pensée gaulliste, Philippe Gerbier, qui dirige un réseau de résistance, s'échappe lors de son transfert vers la Gestapo parisienne. Mais les arrestations des membres de son réseau se suivent et les tentatives de libération ne sont pas toutes fructueuses. Alors je crois que le thème de la résistance était cher à Melville. Ah oui Jérôme, parce que Jean-Pierre Melville était un ancien résistant et il s'est inspiré de véritables réseaux de résistance pour mettre en place les personnages. Ce film lui tenait beaucoup à cœur. Il a déclaré alors « Je l'ai porté en moi 25 ans et 14 mois exactement. Il fallait que je le fasse et que je le fasse maintenant, complètement dépassionné, sans le moindre relent de cocorico. C'est un morceau de ma mémoire, de ma chair. » Alors la musique est écrite par Éric de Marsan. Écoutons donc tout de suite le thème principal du film « L'Armée des Ombres ». Alors, on reste toujours sur l'Armée des Ombres car un des morceaux est devenu très connu. Ce morceau est la musique qui accompagne la marche de Gerbier vers le peloton d'exécution. Ce n'est pas Éric de Marsan qui l'a composé car c'est en fait un extrait de la suite d'orchestre de Spirituals for String Choir and Orchestra du compositeur Morton Gould. On en écoute un extrait et Jérôme, tu me diras ce qu'il te rappelle. Tout à fait, alors on va écouter avec attention. Thank you. Ben écoute Francine, je reconnais tout à fait, c'est le générique des dossiers de l'écran, hein, c'est ça, une émission tout qui, à fait, qui Jérôme. Passait sur France c'était 2. C'était fabuleux. Hein. C'était sur France 2 dans les années 70-80, ouais, hein, c'est ça. Ouais. Et je me rappelle, gamin, effectivement, je regardais ça avec mes parents, hein, ouais. C'est la soirée commencée par un film et puis ensuite il y avait un débat. C'était vraiment intéressant. Ouais, ça a duré quand même presque 25 ans. 25 ans, ouais. Ah oui, impressionnant. Hein. Donc je ne savais pas effectivement que c'était donc, issu donc, de ce film, donc L'Armée des Ombres. Voilà. Très bien. Alors, on va passer maintenant à une autre séquence BO Suspense avec Le Troisième Homme, un film sorti en 1949, réalisé par Carol Reed. Olin Martins, un minable écrivain américain, est venu retrouver son ami Harry Lime dans le Vienne dévasté de l'après-guerre. Mais celui-ci s'est retrouvé mort après avoir été écrasé par une voiture. Martins choisit alors de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami. Rien ne l'a préparé à ce qu'il va découvrir. Alors, Le Troisième Homme a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes en 1949 et il est souvent considéré comme l'un des meilleurs films noirs. Alors, la bande-son donc, est composée par Anton Karas. Le morceau que nous allons vous faire écouter est le thème de Larry Lime, interprété à la sitar. Alors, vous allez tout de suite reconnaître cet extrait car il a eu un succès planétaire et il a été fréquemment réutilisé par la suite. Donc, retrouvons donc tout de suite donc un extrait donc de ce film, Le Troisième Homme. Après cet extrait donc, du thème de Harry Lime, du Troisième Homme, on va passer à la BO mythique avec Full Metal Jacket, encore un film de Stanley Kubrick, mais sorti en 1987. Alors, le film qui met en scène des jeunes soldats du corps des Marines à la fin des années 60 est composé de deux parties distinctes. Dans la première, on assiste à leur entraînement à Paris Island. Dans la seconde, on les voit lors de la guerre du Vietnam, pris dans les combats urbains de l'offensive du Tet. Chacune des deux parties constitue un récit particulier aboutissant dans les deux cas à un dénouement dramatique. Alors, l'une des curiosités du film est le personnage du sergent Hartmann, l'instructeur des Marines, qui prend en charge la formation des recrues dans la première partie du film. Le rôle est interprété par Ronald Lee Hermé, qui avait exercé cette fonction dans les années 60. Alors, la BO du film regroupe des chansons qui datent des années 60 et sont donc contemporaines du conflit. Écoutons le morceau « These Boots Are Made for Walking », interprété en 1966 par Nancy Sinatra, et un titre que vous allez reconnaître parce qu'il est repris de nombreuses fois, y compris dans la publicité. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Voilà, vous êtes bien sur Radio Fast Jet et vous écoutez la boîte à BO consacrée donc aux musiques du film, et vous venez donc d'écouter la BO du film Full Metal Jacket. Alors on passe maintenant à la BO biopic avec Chocolat, un film de Rosy Zem sorti en 2016 avec Omar Sy et James Tirey. Alors ce film retrace l'incroyable destin d'un artiste hors du commun, le clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle Époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Alors Jérôme Rojdizem n'est pas très connu en tant que réalisateur. Ah, c'est vrai qu'il est davantage connu en tant qu'acteur, mais il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà signé donc 3 films. Il y a eu Mauvaise foi, Omar m'a tué et Body Builder, 3 longs métrages ayant pour point commun de parler du racisme sous ses différentes formes. Alors pour se glisser donc dans la peau de Footit, Rojdizem souhaitait quelqu'un qui soit à la fois acteur mais aussi se produisant au cirque. Et c'est dans cette optique que James Tirey, petit-fils de Charlie Chaplin, qui est également danseur, acrobate et musicien, a été choisi. Alors ce rôle lui a permis de décrocher le César du meilleur acteur dans un second rôle, et le film a reçu aussi le César donc des meilleurs décors. Alors écoutons tout de suite donc un extrait de la BO de Chocolat, un morceau donc intitulé « Le Grand Cirque ». Thank you. après cette ambiance de cirque avec le chocolat, on va passer à la BO romance avec Un profil pour deux, un film de Stéphane Roblin sorti en 2017. Alors ce film raconte donc l'histoire de Pierre, interprété par Pierre Richard, veuf et retraité, qui ne sort plus de chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies d'Internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Alors sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit, mais sur son profil, il a mis une photo d'Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place. Alors le film est sublimé par la magnifique composition de Vladimir Kosma qui propose une fois encore un accompagnement musical des plus agréables. Notons que Vladimir Kosma a beaucoup collaboré avec Pierre Richard puisqu'il a par exemple composé pour La Chèvre et Le Grand Blond avec Une Chaussure Noire. Écoutons donc le thème principal du film « Un profil pour deux ». C'est sur cette musique de Vladimir Kosma pour le film Un profil pour deux que nous allons nous quitter. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir de découvrir, voire de réécouter certaines musiques de films. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien Francine, merci de m'avoir à nouveau accompagné et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais oui Jérôme, à la semaine prochaine. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet.